J'ai découvert dans tes bras tout ce que je ne connaissais pas. Sur un autre monde, tu as levé le voile. Ah, ah, ah. Nos différences, ça me nuise. Mais tout autour, c'est elle qui dit l'histoire. Tous ces débats t'épuisent et tu t'éloignes. Ah, ah, si tu savais comme je m'en. Pour toi, ah, ah, si tu sais.